le médecin malgré lui. Un vilain, riche mais avare et brutal, mène sa femme très durement. Elle pense que s'il était lui-même battu, il deviendrait plus indulgent. Passent des messagers en quête d'un médecin pour guérir la fille du roi qui a une arête de poisson piquée dans le gosier. La femme les adresse à son mari. C'est, dit-elle, un excellent médecin, mais il est bizarre et ne consent à exercer son talent que lorsqu'il est roué de coups. Qu'à cela ne tienne, les envoyés s'emparent du vilain et à coups de bâton lui font déclarer qu'il est médecin. Les voici chez le roi. Nouvelle protestation du vilain, nouvelle séance de bastonnade. Pour y échapper, notre homme se décide à tenter sa chance. À force de grimaces et de contorsions, il fait rire aux éclats la princesse et l'arête lui jaillit hors du gosier. Miracle! Le paysan demande à retourner chez lui, mais le roi tient à conserver un homme si précieux.